Jouer du Beethoven, est-ce parler une langue nouvelle? L'interprétation est-elle une création? Et comment faire entendre de manière inouïe ce que l'on connaît pourtant si bien? Voici quelques conseils appliqués à la lettre à Élise. On va commencer avec la première ligne de la main droite. Au niveau des notes, ça donne mi, ré, dièse, mi, si, ré, do, la. Gna gna gna, gna gna gna, du matin au soir il n'y en a, la la la, la la la, que pour Élise. Quelle obsession, que ma passion, je te dis non, tout bas, en moins de bruit de tes pas, mon cœur bat, mon cœur bat. Depuis le temps que tu entends ça, gna gna gna, gna gna gna, est-ce que ça ne te saoule pas? La la la, la la la. Je voudrais avant de l'achever, répéter que chaque jour, mon cœur ne vit que pour te retrouver. Et que je Bonjour Julien Libert. Bonjour Hélène. Bienvenue sur Le Chemin de la Philosophie. Merci. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Vous êtes pianiste, vous avez enregistré l'intégrale en 3 volumes des sonates pour violon et piano avec le violoniste Lorenzo Gatto, un disque qui vous a valu le diapason d'or de l'année en 2016, et donc j'imagine que vous savez très bien jouer la lettre à Élise. Figurez-vous que je ne l'ai jamais vraiment essayé. Comment ça? Bah, je l'ai déchiffré comme tout le monde, mais c'est vrai que c'est un truc qui est tellement associé aux horreurs que l'on vient d'entendre, des débutants. Mais d'ailleurs, je me disais en commençant, mais quelle mauvaise prof au début de cet extrait. Pourquoi? Mais parce que on n'enseignait pas une pièce, on n'enseignait pas une interprétation en expliquant note par note ce qu'il y a à jouer. Toute la démarche d'interprétation consiste à comprendre quel sens donner à des symboles qui sont alignés sur papier, mais qui ont un sens, unifié, on va dire. Donc le but, c'est pas de dire d'abord un mi, puis un ré dièse, puis encore un mi. Le but, c'est de faire comprendre que veut dire cette première phrase, comment il faut la penser dans un geste, et pas comment il faut mettre un doigt sur telle touche et tel doigt sur telle touche, même si ça fait partie du boulot, mais il faut l'intégrer différemment. Il faut apprendre à jouer par phrase et pas par note? Oui, enfin, il faut... C'est... Là, on plonge tout de suite dans le débat de ce que c'est l'interprétation, mais tout le problème de jouer de la musique, c'est que si vous prenez... Comment dire? Il y a un bouquin de Stanislavski, le prof de théâtre, dans lequel il dit que une des choses qu'il faisait faire à ses élèves, c'était de leur faire dire le mot A, l'exclamation A, comme dans A oui ou A bon, du maximum de manières différentes. Et c'est assez marrant parce qu'on se rend compte qu'avec 2 lettres sur un papier, on peut faire au moins 150 choses d'expression différente. Et c'est un peu le même problème qu'on a. C'est-à-dire, on a une note. Mettons, on a une note avec un accent sur un papier. Bon, comment est-ce qu'on va savoir comment faire cet accent? Parce qu'il y a 1000 façons de faire un accent, comme il y a 1000 façons de dire A. Bon, bah on regarde le contexte. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le contexte? Bah, la note est dans un, on va dire, est dans un intervalle, c'est-à-dire elle est à côté d'une autre note. C'est la plus petite distance qui a du sens. Bon, mais alors l'intervalle, comment est-ce qu'on le joue? Bah, elle est dans une phrase. Mais la phrase musicale, elle est harmonisée, donc il y a une dimension verticale aussi. Il y a des notes qui sont superposées, des notes qui sont alignées. Et puis la phrase est dans, mettons, la pièce, la lettre à Élise en entier. Et puis la lettre à Élise est dans l'intégrale des pièces de Beethoven. Et puis l'intégrale de l'œuvre de Beethoven est située dans une évolution esthétique, artistique de l'Occident, puis cette évolution-là est située dans une évolution même philosophique et éthique de l'Occident, et cette évolution-là est située dans ce qu'il y a de commun à travers tous les humains, Occident, Orient, tout ce que vous voulez. Donc il faut avoir le savoir omniscient pour pouvoir jouer une sonate? Non, mais il faut, je pense qu'une interprétation est une façon d'illuminer chaque instant musical de toutes ses dimensions en même temps. Et de les faire dialoguer dans un va-et-vient permanent, parce que ça n'est pas que du bas en haut ou du haut en bas, c'est un dialogue de tous les côtés, de la façon la plus cohérente possible. Et là, on voit tout de suite pourquoi il y a 1000 interprétations pour une même œuvre, parce qu'il y a 1000 façons de se situer sur chacun de ces niveaux. Ça fait très intello ce que je dis là. On le pense pas forcément. C'est pas un gros mot, hein. Quand on joue. Mais je pense que beaucoup de ce qu'on appelle l'instinct musical et la justesse musicale est une question de savoir intégrer le maximum de paramètres physique, émotionnel, rationnel, parce qu'il y a une vraie pensée musicale aussi, dans le temps réel dans lequel on est en train de jouer. C'est toute la question. Faut-il proposer une interprétation subjective qui intègre aussi la manière dont vous recevez ce que vous êtes en train de jouer, ou une interprétation objective qui serait le plus fidèle possible aux indications qu'a laissées en l'occurrence Beethoven ? Mais je pense que c'est une fausse question, parce que les deux ne s'excluent pas. C'est-à-dire que dans un sens, qu'est-ce que c'est qu'interpréter Beethoven ? Ben dans un sens, c'est comme interpréter absolument n'importe quel compositeur dans la démarche initiale. Je pense que la démarche initiale de l'interprétation, c'est de s'installer devant une partition et de croire en deux choses. La première, c'est que la musique est un langage qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin forcément de références extérieures, extrêmement littéraires ou des choses comme, ou même biographiques, même si ça peut être intéressant de connaître la biographie d'un compositeur. Et puis accepter de l'aborder avec l'esprit ouvert et le regard interrogateur. Il y a une belle anecdote de Sviatoslav Richter, qui était un grand pianiste russe, et qui un jour s'installe dans sa maison devant une partition de sonate, pourquoi pas celle de Beethoven, et qui demande à haute voix « Sonate, que me veux-tu ?» Et il y a un peu de ça, et évidemment, ensuite, il est incontestable que si on joue du Debussy, ou si on interroge une partition de Debussy, ou si on interroge une partition de Beethoven, ils vous répondront très différemment, parce que ce ne sont pas les mêmes écritures, ce ne sont pas les mêmes esthétiques. Mais c'est le point de départ. Et alors, même avec le regard le plus ouvert et interrogateur possible, on ne se défait pas de sa propre subjectivité. C'est presque kantien comme principe. Quand on arrive avec son propre filtre qui est fait de beaucoup de choses mystérieuses, à la fois son tempérament, mais aussi ce qu'on a engrangé comme référence, plus ou moins inconsciemment, et ça filtre tout de suite la façon dont on lit la partition. Et vous arrivez à dire quel rôle joue ce que vous appelez la pensée quand vous jouez, justement, c'est-à-dire quelle est la part que joue la dimension plus intellectuelle, la connaissance de Beethoven. Faut-il savoir qui est Élise pour jouer la lettre à Élise, par exemple ? Non, je pense qu'on s'en fiche complètement. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Et puis, y a beaucoup de ces titres aussi sont c'est quoi le mot pour ça ? Apocryphe ou posthume, ouais. Ça a été rajouté par la suite par des éditeurs qui cherchaient à faire vendre le truc. Mais savoir ce que voulait dire Beethoven à ce moment-là, peut-être, est utile ? Mais comment est-ce qu'on peut le savoir ? Donc la biographie n'a aucun intérêt. Ah si, elle a beaucoup d'intérêt parce qu'elle permet de rapprocher parfois les éléments qu'on voit dans sa biographie de la musique, mais ce serait, je pense, dangereux, et là je pense pas qu'il y ait un musicien au monde qui serait pas d'accord avec moi, ce serait dangereux de voir dans l'œuvre l'expression de la biographie. Parce qu'on sait tous que notre biographie... C'est une grande question. On sait tous qu'on est infiniment plus complexe intérieurement que ce que nous faisons voir aux autres. Et que notre façon d'agir dans le monde est 20% de ce que nous voudrions dans un monde idéal pouvoir faire, parce qu'il y a 1000 contraintes. Et tant mieux quelque part, parce que si nous étions complètement en roue libre, le monde serait invivable. Il n'empêche que le domaine artistique est un domaine où on peut laisser libre cours, évidemment mettre en forme toute la part de nous qui reste cachée. Donc c'est à la fois intéressant de s'informer de la biographie d'un compositeur, mais il faut tenir à l'esprit sans doute qu'il y a toute une dimension de son psychisme qui est exprimée que par la musique et qu'il ne faut pas aller trop chercher ailleurs. Même si, évidemment, une fois de plus, il faut connaître... C'était Virsaladze, je pense, la pianiste russe, qui disait « Il faut connaître les biographies des compositeurs pour ensuite les oublier le plus vite possible. » Et ça s'applique à beaucoup de choses dans tous les domaines artistiques et littéraires, d'ailleurs. Avant d'entendre un extrait de votre interprétation, on dit interprétation, vous jouez, vous êtes interprète, comment vous... Je pense, oui, on n'y échappe pas, et tant mieux d'ailleurs. On va entendre l'interprétation de Beethoven par un autre pianiste. Il s'appelle Paul Badura-Skoda, j'imagine que vous le connaissez. Paix à son âme. Il est mort l'an dernier. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les sonates de Beethoven », un ouvrage passionnant où il les décortique, il les analyse et propose aussi une réflexion sur le rôle de l'interprète des sonates. Vous nous direz en quel sens aussi la sonate tient une place particulière dans le répertoire du pianiste. Voici donc le texte lu par le comédien Vincent Schmitt. Depuis plus d'un siècle, la notion de classicisme sous-entend quelque chose de fermé, une forme achevée, parfaite, comme le marbre blanc des sculptures grecques. Eh bien, la musique de Beethoven n'est pas une forme achevée, mais une forme vivante et plus proche de nous qu'un marbre antique. Non pas seulement du fait de la moindre distance dans le temps, mais parce que la musique est un langage plus compréhensible pour nous que les arts plastiques et que l'art grec en particulier. Les sentiments qu'exprime la musique de Beethoven ne nous sont pas devenus étrangers. Ses mélodies et ses rythmes nous enflamment aujourd'hui encore, et chaque nouvelle génération découvre, avec la même plénitude de joie, telle ou telle symphonie, telle ou telle sonate, radieuse comme au premier jour. Ce sera donc notre souci, à nous autres, interprètes, que le vernis d'un trop long usage ne recouvre pas ses œuvres, que sentiments ou sensations ne s'émoussent pas. Notre but, au fond, n'est rien de moins que de mettre nos pas sur les traces de Beethoven. Et ce, non pas tellement parce qu'il est un grand musicien, mais avant tout parce que c'est là un homme frappé par la grâce, un élu qui a œuvré pour le bien de l'humanité en son temps et à jamais. L'idée que j'ai de l'interprète, en interprétant, il passe sous une transformation. Alors, en principe, il devait être capable de se transformer, devenir Beethoven, devenir Debussy, devenir Chopin, pour ainsi dire. En principe aussi, je trouve qu'il faut exactement suivre les indications du compositeur. Là-dessus, sur cette base, une espèce de vol créateur, mais en considérant tout ce que le compositeur a laissé, vous ajoutez encore votre propre création. Claudio Arao sur France Culture, après le texte de Paul Badura-Skoda, avec en studio aujourd'hui Julien Lieber. Ça fait beaucoup d'interprètes de Beethoven ce matin pour vous, chers auditeurs. On parle de Beethoven toute cette semaine. On essaye de philosopher avec lui, de penser avec lui, de voir comment l'interprétation est elle-même le lieu d'une pensée. Alors, de quel côté vous situez-vous? Peut-être en proposez-vous un troisième, Julien Lieber. Alors, d'un côté, Badura-Skoda qui dit que le rôle de l'interprète, c'est de faire en sorte que le vernis d'un trop long usage ne recouvre pas les œuvres de Beethoven. Et de l'autre, Claudio Arao, qui lui parle de vol créateur de l'interprète. Mais je ne suis pas sûr qu'il parlait de choses vraiment différentes. Je trouve que ce qui frappe d'abord dans les deux témoignages, c'est l'extraordinaire dévotion des deux personnages. Et ça, en soi, vous savez, il y a un autre texte, on ne va pas rabâcher 1000 textes, mais il y a une lettre assez fameuse de Karl Czerny, qui est un peu la terreur des étudiants en piano, parce qu'il a écrit des volumes et des volumes d'études magnifiques, enfin magnifiques, très utile, mais enfin voilà quoi, faut se les coltiner, mais qui était élève de Beethoven et qui a beaucoup joué ses œuvres et qui décrit à un moment donné une scène, je pense que c'était en 1816, où il jouait en public un quintet de Beethoven et où il se fait extraordinairement réprimander en public par Beethoven, au point où ce dernier doit ensuite s'excuser auprès de Czerny en envoyant une petite lettre le lendemain pour dire « Écoute, je suis désolé, j'ai un peu déconné, mais vraiment. » Et qu'est-ce qui s'était passé? Ben que Czerny avait, comme c'était l'usage à l'époque, il avait rajouté des ornements aux mélodies de Beethoven, aux textes de Beethoven. Sauf que le pauvre, il n'avait rien fait de mal. Beethoven émerge d'une époque classique où il est tout à fait l'usage qu'il y a une espèce de collaboration entre le compositeur et l'interprète. En partie parce que compositeur et interprète ne sont pas des catégories distinctes comme ils le sont aujourd'hui. Tout compositeur est au moins interprète de son propre œuvre et tout interprète qui interprète l'œuvre de quelqu'un d'autre le fait en tant que compositeur lui-même ou en tant que créateur ou personnage créatif lui-même. Donc il y avait tout à fait l'entente qu'il fallait, on pouvait très bien, dans un mouvement lent de Mozart par exemple, qui est la génération d'avant Beethoven, on pouvait très bien rajouter des ornements et s'éloigner relativement loin du texte, un peu comme ça se fait aujourd'hui dans les standards de jazz quelque part. Et on pouvait discuter sur le bon goût de la chose. Parfois, Mozart trouvait qu'on ornait un peu trop ou un peu trop peu. Mais il n'était pas du tout entendu qu'on ne pouvait pas orner ou enjoliver quelque part le texte donné. Et avec Beethoven va émerger cette espèce d'exigence de s'en tenir que à ce qui est écrit. Mais c'est une différence, enfin, c'est une évolution assez énorme parce que ça veut dire que il n'y a plus d'esprit de collaboration entre compositeur et interprète, à défaut d'être parfaitement sur pied d'égalité. Il y a comme une soumission de l'interprète qui se positionne en humble serviteur du compositeur qui, lui, est créateur souverain de son œuvre. Sauf que vous l'avez dit, Beethoven s'excuse. J'ai la lettre sous les yeux le 12 février 1816. J'ai littéralement explosé hier et m'en suis trouvé peiné lorsque cela est arrivé. Pardonner seulement à un auteur qui aurait préféré entendre son œuvre telle qu'il l'a écrite, quelle qu'elle ait été du reste, la qualité de l'interprétation. Il s'excuse. Oui, il s'excuse sur la forme et pas sur le fond. Hein? Il s'excuse pour avoir été impoli en public, ce qui est un peu spécialité, parce que ce n'était pas un type commode, Beethoven. Mais il ne s'excuse pas, il insiste quand même qu'il préfère... Bah, il dit « je me rachèterai à pleine voix avec la sonate pour violoncelle », etc. Oui, bien sûr, non, mais il était charmant, il était pas charmant n'est peut-être pas le mot, mais il n'était pas complètement... Il était poli. Ours mal léché. Mmh. Mais en tout cas, on sent venir, et je pense que ça tient du fait que Beethoven n'est plus un compositeur qui écrit de la musique fonctionnelle. Enfin, ce serait faire déshonneur aux générations d'avant pour dire que c'était que de la musique fonctionnelle, mais c'était une génération de compositeurs qui étaient dans leur métier au service d'eux, au service du clergé, au service de la cour. Et donc, c'était une musique qui servait à engayer les maîtres, quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on va interdire aux maîtres de faire ce qu'ils veulent de la partition qu'on leur donne? Or, Beethoven a 19 ans à la Révolution française, et quelque part, il cristallise cette espèce de quête d'individualité, ou d'individualisme si on veut, et de foi en sa propre voix intérieure. Et on voit émerger la figure du compositeur ou de l'artiste en général prophète, de l'homme qui écrit quelque chose derrière et il faut aller chercher derrière les notes l'esprit du texte. Et s'adresser aux générations futures. Oui, ce qui est assez neuf aussi, mais en même temps, je ne suis pas historien, mais j'ai l'impression que quand même avec la Révolution française, on a entamé une vision très progressiste de l'histoire, l'idée qu'on allait vers toujours mieux, vers une espèce de d'émancipation, et que donc la notion de n'écrire pas que pour la messe du dimanche prochain, mais pour l'histoire, devenait quelque chose de très concret, même s'il a fallu du temps pour que ça s'installe véritablement comme idée. Et donc, on retrouve à la fois... Vous voyez, Arau, déjà, bon, c'est un des plus grands pianistes du XXe siècle, on ne va pas discuter. Et ce qu'il dit, mais ce qu'il dit sur il faut respecter le texte, bah, c'est à la fois tout et rien dire, parce qu'une fois de plus, c'est ce qu'on disait au début. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire respecter le texte? Si vous avez un accent marqué sur une note, comment vous le jouez? Ça n'est qu'une notion très relative. C'est là où c'est à la fois très clair et très ambigu. Mais en même temps, il y a dans ce qu'il dit quelque chose qui relève effectivement de cet ordre de respect et de d'humilité, qui est quelque chose qui est toujours tout à fait enseigné dans les conservatoires, qui est très en contradiction avec l'époque qui pousse en même temps à beaucoup d'égocentricité et à la vedettitude pour la vedettitude. Donc c'est très difficile pour des musiciens aujourd'hui de se situer quelque part sur cet axe où on est à la fois l'humble serviteur de la pièce, mais en même temps un interprète individuel qui a droit à sa part de lumière. Chez Badura Skoda, Badura Skoda vient beaucoup plus, enfin a été beaucoup plus formé. Bon, il a été formé par des gens vraiment de l'ancienne génération, mais il a émergé comme un comme une des figures de la révolution des années 1960, avec Nicolas Hernancourt, Philippe Hervec, des gens comme ça, qui ont insisté sur le fait que toute la génération romantique s'était trop éloignée du texte et de l'esprit du texte, justement, et qu'il fallait, en étudiant les sources, en faisant un travail musicologique, qu'il fallait essayer de se rapprocher de l'esprit des réels. Mais en fait, c'est la même chose. Mmh. Sauf que c'est remis à la sauce très 20e, c'est-à-dire avec un apport scientifique, avec un apport de recherche. C'est cette notion que, en fait, quelque part, la génération romantique a voulu chercher l'esprit du texte en se fiant à son instinct subjectif et à une part un peu mystique, en comptant sur ce qu'il y avait de commun comme humanité entre le compositeur, quel qu'il soit, et eux-mêmes. Alors, sans doute ont-ils de ce fait mis beaucoup de musique classique qui ne fonctionnait pas selon la même éthique à la sauce romantique et se sont-ils déviés, mais la logique était la même. Et elle n'est pas différente avec la génération 1960, comme je tends à les appeler, qui cherchait au fond la même chose, mais en y rajoutant l'apport d'une époque qui cherchait, qui faisait beucoup plus confiance à des critères de recherche objectifs que au pur instinct subjectif et individuel. La question est de savoir comment jouer Beethoven, et la réponse diffère selon qu'on soit professionnel ou amateur. Peut-être aussi Beethoven était connu aussi pour ne pas prendre en compte la possibilité de l'interprétation au moment où il composait. On trouve des témoignages et des lettres, oui, où il écrit. Mais d'ailleurs, d'un point de vue... Pensez-vous vraiment que je pense à vos mains de violoniste quand je compose? Oui. Pas du tout, ça ne me suffit pas. C'est un sale caractère. Hein, ça, alors, je vous propose qu'on écoute le témoignage. Justement, c'est une écrivaine, elle s'appelle Catherine David. Elle a écrit une lettre ouverte à ma main gauche et autres essais. Elle est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle La beauté du geste, que vous connaissez peut-être. Mm-hmm. Écoutez comment elle elle raconte la difficulté qu'il y a à jouer une sonate de Beethoven et ensuite un extrait de cette sonate. On va venir à votre interprétation ensuite, hein, dans un instant, Julien Libert. Et là, ce sera, on écoutera un extrait d'une sonate pour violoncelle et piano numéro 2 en sol mineur. La sonate et moi faisons connaissance en cahotant. Je m'efforce de descendre avec majesté le grand escalier méditatif du premier mouvement avec la grâce de Gloria Swanson dans Sunset Boulevard. Mais j'ai l'impression de clopiner d'une pierre à l'autre en dévalant un torrent furieux. C'est pathétique. Cependant, contre toute raison, je m'accroche. Je dois absolument trouver les gestes et les sons qui correspondent à cette écriture formidable. J'ai besoin de raconter cette histoire. Il est urgent de faire entendre ces modulations et j'en veux plus, encore plus, toujours plus. J'avance, je trace ma route dans la jungle, je crapahute dans le lit du torrent. Je veux me griser encore de cette plainte mélodieuse qui se répète et se modifie, qui devient une longue houle bouleversante, pleine de triples croches dépassant mes faibles capacités digitales. Je veux m'approprier cette sonate tant aimée. Je veux vivre avec elle. J'ai faim de ses harmonies. Mes doigts veulent manger la musique. Avec Bernhard Partz au piano et Jörg Ulrich au violoncelle. C'est donc la sonate pour violoncelle et piano numéro 2 de Beethoven. Le texte était de Catherine David, lu par Vincent Schmitt. Alors Julien Libert, j'en veux plus, encore plus, toujours plus, écrit-elle, disant que ses doigts veulent manger la musique. Est-ce qu'il y a un effet Beethoven ? Ou est-ce que ça, on pourrait le dire de n'importe qui ? Ah, non, on ne peut pas le dire de n'importe qui. Il y a une phrase de Michel Houellebecq que j'aime beaucoup, qui sort de... Il a écrit un bouquin épistolaire avec Bernard-Henri Lévy. Que j'ai d'ailleurs pas particulièrement aimé, mais il y a une phrase qui m'avait frappé où il dit « Beethoven est le compositeur chez qui la présence du génie se sent le plus physiquement ». Et je vous souscrivez ? Je souscris pleinement. Je pense qu'il y a peu de compositeurs, c'est d'ailleurs dans ce sens-là que je pense que c'est de tous les compositeurs canoniques classiques, c'est quelque part le plus facile à faire aimer par des gens qui, sinon, on ne voudrait que danser en boîte de nuit toute la nuit. Parce que si vous écoutez une bonne version... de préférence live de la 7e symphonie ou de la 9e pour ne prendre que les œuvres les plus puissantes et que ça ne vous fait rien, vous n'êtes probablement pas humain quoi. Ça peut aussi agacer hein. Il y a beaucoup de personnes qui détestent écouter la 9e symphonie. Oui, parce que c'est le problème de Beethoven en général, c'est un compositeur autour duquel se sont cristallisés tellement enfin qui a pris tellement d'harmoniques autres que purement esthétiques et musicales, parce que c'est devenu quelque part un symbole social, philosophique, politique aussi, parce que l'hymne, la 9e, c'est l'hymne européen, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose dans la musique de Beethoven qui prend véritablement physiquement aux tripes. C'est très mystérieux, on peut essayer de l'expliquer un peu, mais déjà c'est toujours pas très satisfaisant et puis je ne pense pas que ça sert vraiment à quelque chose. Oui. Maintenant, ce qu'elle décrit dans son texte, c'est le lot de tout interprète, c'est qu'il bute contre c'est que son imagination libre bute contre les contraintes de son corps qui ne veut pas faire ce que lui demande. Et c'est quelque chose dont on parle peut-être pas assez, à part peut-être la fascination un peu cirque du public pour les mains des pianistes ou pour les doigts. C'est la dimension charnelle du jeu instrumental même, d'ailleurs pour n'importe quel instrument, même s'il y a des instruments où c'est plus impressionnant que d'autres. C'est que le travail musical, c'est toujours la transformation d'une idée en geste. enfin le travail musical, le travail instrumental qui donc est un travail musical. Enfin, il n'y a pas vraiment de frontière très clairement démarquée entre la technique et la musique. Parce que sans technique, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez que vivre dans votre tête. Pour les acteurs, c'est exactement la même chose. Et c'est quelque chose d'assez... c'est quelque chose d'assez méditatif quelque part dans la démarche, parce que j'aime bien dire que quand je travaille, quand je me mets au piano le matin et je joue un truc et ça me plaît pas, et que je bosse 7 heures et qu'à la fin de la journée ça me plaît un peu mieux, ben quelque chose a changé, mais c'est clairement pas l'instrument. C'est moi qui fais quelque chose différemment. Et pour que je fasse quelque chose différemment, ben, ça veut dire que j'ai aligné ma pensée, pensée au sens large, hein, c'est pas une pensée intellectuelle, pas seulement. Mais j'ai remarqué, vous dites pensée pour note en fait. Je dis penser. Pourquoi c'est difficile de dire ce que c'est qu'une pensée musicale. Si c'était la même chose qu'une pensée littéraire ou linéaire, ça se saurait, on n'aurait pas de musique. Ouais. En tout cas, ça s'aligne. J'ai réussi à aligner ma pensée musicale, pour parler très vite, à la pensée gestuelle quelque part, si vous voulez. Et quelque part, les grands instrumentistes, ce sont des maîtres de leur instrument avant tout, parce que croyez-vous vraiment que Vladimir Horowitz, qui était un des grands pianistes du XXe siècle, était tellement plus sensible que la personne moyenne que vous croisez dans la rue, intérieurement parlant? Peut-être un peu, mais pas tant que ça. C'est quoi alors? C'est de la technique uniquement? Ce qui distingue un excellent... La technique au sens prestidigitation, c'est une partie extrêmement limitée de ce qu'est jouer un instrument. C'est la partie la plus visible. Donc c'est quoi alors? Ça se passe où? C'est très... Si je le savais, j'écrirais un bouquin et je gagnerais plein d'argent. Ça engage un rapport entre le corps et l'esprit qui est nouveau en tout cas. C'est pas simplement le dualisme, il n'y a pas la pensée d'un côté et les mains de l'autre. Non, c'est une osmose des deux où la pensée, on va dire, verbale exactement trouve sa place. Ouais. Mais ça, dans les meilleurs concerts, on se rend compte que cette pensée-là se limite à établir un cadre très large en dehors duquel on ne sort pas. Par exemple, j'allais dire un mauvais exemple, parce que j'allais dire on peut décider un tempo avant de commencer, ce qu'il faut faire, mais même ça c'est plutôt une démarche physique, parce que la pulsation est une démarche physique. Mais on peut se rappeler que par exemple, à tel endroit qui vient dans 10 secondes, il y avait un passage dangereux, ou il y a un changement de tempo, c'est des choses qui vous passent par la tête et qui relèvent un peu du, on va dire, du verbe, mais c'est extrêmement limité. Et le reste est une espèce de flux qui se rapproche beaucoup plus d'un état presque hypnotique que d'un état tout à fait articulé et clairement défini dans sa tête. Notamment dans les bons concerts. Les pires concerts, c'est les concerts où on fait que penser. Et le constat assez mystérieux, c'est que la pensée empêche le corps de faire ce qu'il a envie de faire. C'est comme l'histoire du mille pattes. Si vous commencez à lui demander par quelle patte il avance, en quelle patte il bouge en premier pour avancer, il avance plus parce qu'il commence à réfléchir à un truc qui est censé être une espèce de gestuelle souple et intégrée. Et tout le travail consiste à, enfin, tout le travail en amont consiste à essayer de trouver le geste adéquat par rapport à l'idée musicale qu'on se fait de la partition. Et puis, de l'assouplir et de l'intégrer à tel point qu'on puisse se faire confiance qu'il va exister indépendamment de notre pensée, on va dire, analytique. Et ça, c'est à la fois un peu un acte de foi, et en même temps, c'est un acte de foi très, pour lequel on doit beaucoup lutter, quoi, qui demande beaucoup de travail. Pour lequel il ne suffit pas de prier. Non, il ne suffit pas de prier. Qu'est-ce que c'est qu'une sonate, Julien Lieber? Une sonate, c'est une symphonie pour instrument seul. Ou alors une symphonie, c'est une sonate pour orchestre, si vous voulez. La sonate est une forme qui a émergé dans sa version embryonnaire, on va dire, avec Scarlatti. Donc là, on a la génération de Jean-Sébastien Bach. Et qui a pris sa forme définitive à l'époque classique, donc 1750-1800, avec comme premier grand maître Joseph Haydn, qui en a écrit, je pense, une bonne soixantaine. Et puis Mozart, qui en a écrit aussi pas mal. Et puis Beethoven, qui a poussé la logique, jusqu'à ses limites ultérieures. En fait, c'est drôle parce que on se rend compte que les formes ne sont définies que véritablement quand elles sont mortes. C'est-à-dire le premier plan analytique qui a été établi de la sonate a été établi, je pense, en 1830 ou un truc comme ça. C'est comme la fugue. On a établi les règles pour la fugue, une forme musicale dont Jean-Sébastien Bach était le grand maître, au moment où c'est devenu un exercice scolaire et académique auquel il fallait se plier quand on était au conservatoire, c'est-à-dire pareil, 19e siècle. Mais quand ces formes-là émergent, elles émergent comme... elles émergent comme des formes musicales logiques et en cohérence avec l'éthique et les aspirations de l'époque. Parce que toutes... Une forme musicale est le reflet d'une époque, vous dites. Oui, parce que, regardez aujourd'hui, la chanson pop, elle reflète une époque. Elle reflète... C'est très drôle quand on regarde ça, parce que la chanson pop a émergé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour parler très très très vite. Pourquoi ? Parce qu'elle avait, de un, la puissance économique des États-Unis derrière, du monde anglo-saxon, on va dire, derrière. Pourquoi est-ce que ça dure 5 minutes ? Parce que c'était l'époque du vinyle et qu'il fallait faire des trucs qui tiennent sur des petits supports, parce qu'il fallait pouvoir les commercialiser pour faire de l'argent avec. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une chanson pop ? C'est une chanson, mais c'est une chanson qui sous-entend énormément de paramètres qui sont propres à l'époque, qui ne sont pas dans la chanson elle-même, mais qui en définissent les contours. Et la sonate, c'est pareil ? J'imagine. La sonate, n'était pas aimée de tout le monde. Il y a des textes de Rousseau, de D'Alembert sur la sonate. Rousseau dit « Aujourd'hui que les instruments sont la partie la plus importante de la musique, les sonates sont extrêmement à la mode. Le vocal n'en est guère que l'accessoire et le chant accompagne l'accompagnement. Nous tenons ce mauvais goût de ceux qui, voulant introduire le tour de la musique italienne dans une langue qui n'en est pas susceptible, nous ont obligés de chercher à faire avec les instruments ce qui nous est impossible de faire avec nos voix. » Oui, alors là, on est au croisement d'énormément de problèmes. Déjà, on est sur la vieille querelle musique française et musique italienne. Je pense que c'est français-italien. Une fois de plus, je ne suis pas historien de l'art, hein, mais il y a une vieille querelle comme ça entre ceux qui trouvaient que le style italien était le meilleur. Et ceux alors, pour l'opéra, c'est aussi le style allemand, en effet. Mais l'italien avait toujours... Oui, mais l'opéra est devenu le style allemand beaucoup plus tard. C'est vrai. La langue italienne est toujours favorisée pour le chant. En tout cas, pour Rousseau, il n'y a pas faux. Oui, et puis c'est pour ça que toujours jusqu'à aujourd'hui, les indications, on va dire, de dynamique et de caractère sont toujours en italien dans les partitions. On parle toujours d'un allegro, on parle d'un tempo, on parle d'un forte, piano. Toutes ces choses-là sont des mots italiens, alors qu'aujourd'hui, bon, on s'en fiche de l'Italie quelque part. Enfin, on s'en fiche pas, mais... Non, on s'en fiche pas. Mais je veux dire, comme langue culturelle puissante, on pense pas à l'italien. Or, on en porte toujours les conséquences qui continuent de vivre jusqu'aujourd'hui. Donc il y a ça là-dedans. Et puis il y a effectivement le fait qu'on estimait à une époque que c'était plutôt la voix qui était le porteur d'un message musical légitime et que l'instrumental n'en était que l'accompagnement. On y est d'ailleurs parfaitement revenu, hein, faut pas l'oublier. C'est que la musique mainstream aujourd'hui est une musique vocale. Ce sont des chansons qu'on fait. Quand de temps à autre sur un disque il y a un instrumental, c'est limite si on le passe à la radio aussi, parce que souvent alors c'est des gens un peu expérimentaux chez qui ça dure plus de 7-8 minutes, donc ça peut encore moins passer à la radio. Donc oui, j'imagine que la sonate n'était pas aimée de tous, comme plus tard Tchaïkovski déteste la fugue. Vous entendez Alfred Brendel qui est en train d'entrer en studio? Ah bah oui. Avec l'interprétation. Alors qu'il a arrêté de jouer depuis longtemps, c'est ça. L'interprétation de la dernière sonate pour piano de Beethoven. On va en entendre, alors on peut pas entendre les 11 minutes 27, on va en entendre un passage particulier parce que c'est un passage ahurissant. Écoutez-le. Je ne suis pianiste qu'à mes heures perdues. J'ai une très mauvaise connaissance de l'histoire de la musique. J'écoute beaucoup de musique, mais je ne suis pas du tout professionnelle. Mais quand j'entends ça, je me dis que c'est complètement anachronique. J'entends un boogie, un ragtime. J'entends quelque chose qui ne peut pas avoir été écrit par Beethoven en 1820. Est-ce que c'est l'interprétation de Brendel? Non, est-ce que du Beethoven tout. A écrit non, ça. C'est le fameux passage. Enfin bon. Mais est-ce que j'ai raison de trouver ça vraiment étrange? Ah ben oui, mais de toute façon, toute cette sonate est à la fois visionnaire, splendide, émouvant, à pleurer et extraordinairement étrange. Parce qu'elle n'a que deux mouvements au lieu de trois, parce que le mouvement dont est sorti cet extrait est un mouvement à variation interminable qui finit sur des espèces de tri. Enfin, c'est un truc, c'est de la musique abstraite, enfin, à la fois très abstraite et en même temps, on a l'impression d'être dans un club de jazz quand on entend ce machin. C'est ça. Donc, c'est la toute dernière sonate de la toute dernière sonate, c'est pas la toute dernière œuvre qu'il a écrite. Il va encore aller plus loin dans les derniers quatuors. Mais Ce truc-là me rappelle toujours. Alors, c'est un fameux passage. Hein, tout le monde dit ah boogie woogie. Sauf qu'il y a un extrait sur YouTube de András Schiff, qui est un pianiste hongrois et qui donne une espèce de masterclass sur cette sonate et qui, avec sa tête un peu grognon, dit bah là tout le monde dit que c'est un boogie woogie et moi ça m'énerve. Je suis pas d'accord parce que j'aime Beethoven et j'aime pas le boogie woogie. Donc bon, après c'est un peu, on raisonne un peu en cercle, mais pour vous dire qu'il y a à toute époque des gens qui sont pas forcément contents avec la façon de lire ouais, les choses. Bah après, la grande question, c'est comment est-ce qu'il en est arrivé là, parce que pour le coup c'est anachronique à mains égards, mais dire que il fait préentendre le boogie woogie serait, je pense, une faute des raisonnements, parce que le boogie woogie a émergé d'une toute autre logique musicale, d'un tout autre genre que ça. Ils ne sont pas allés piocher dans la sonate de Beethoven pour inventer le boogie woogie. Non, mais lui, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour proposer une telle césure avec ce qu'il a fait juste avant, oui, y compris même dans la sonate? C'est absolument inouï, bah, au sens premier du terme. Je pense qu'une des choses qui est très frappante chez Beethoven et qui, je pense, fait son attrait continu, c'est qu'il arrive à concilier deux choses qui sont en soi assez, enfin, qui pourraient être inconciliables. C'est que toutes ces structures musicales, tout ce qu'il écrit est extraordinairement cohérent du début à la fin. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une espèce de souffle épique de la première note à la dernière, et que quelque part, c'est comme si la fin était déjà dans le début et vice-versa. Donc, il y a une espèce de logique qui pousse ce mouvement inexorablement du début à la fin, et on ne décroche pas. Or, en même temps, il est d'une telle inventivité qu'on ne peut jamais prévoir, même deux mesures à l'avance, vers où il va aller. C'est surprise sur surprise, et en même temps, c'est jamais décousu. Et l'extrait qu'on vient d'entendre sort du dernier mouvement de la dernière sonate du compositeur, qui est un mouvement à variation, qui est un truc que Beethoven affectionnait particulièrement, parce que c'était une façon pour lui de donner libre cours à son imagination qui était complètement débordante, et en même temps de l'intégrer dans une forme qui était cohérente. Donc, quelque part, ben, ce truc-là, ben, j'ai envie de dire, ben, une idée de plus. C'est-à-dire, il est tellement hors cadre, il ne se laisse tellement pas enfermer dans les codes de l'époque, d'ailleurs, à l'époque où il écrit ça, il est déjà très loin des codes de l'époque, hein, ouais, que ben, y a presque pas de limite, quoi. Et quand même, ça ne devient jamais du n'importe quoi. C'est-à-dire, il va sortir de cette variation-là, sans césure, sans coupure, il va enchaîner avec autre chose, et ça va être parfaitement cohérent aussi, oui, il va rentrer dans une, ouais, espèce de... Ouais. D'extase, d'hymne comme ça, dont il a d'ailleurs le secret. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est difficile d'analyser ça. On va écouter votre interprétation, Julia Lieber. Alors, vous avez le choix, vous voulez être chef d'orchestre, il nous reste 12 minutes pour cette émission, et je voudrais qu'on écoute les interprétations que vous avez proposées des sonates pour piano et violon, avec Lorenzo Gatto. Alors, est-ce que vous voulez qu'on écoute la sonate numéro 1 ou la sonate numéro 10? Vous savez, on va perdre beaucoup de temps juste à moi essayer de décider ce qu'on entend. Alors, on va écouter la sonate numéro 10. C'est très bien. Je voudrais simplement que vous nous aidiez à l'écouter, que vous nous attiriez notre attention sur ce à quoi justement il faut faire attention. Qu'est-ce que nous raconte cette sonate? En fait, je sais pas ce qu'elle raconte, mais... C'est le deuxième mouvement. C'est le deuxième mouvement, oui. Et je me suis dit, c'est intéressant de l'apprendre dans l'émission, parce que Beethoven est un compositeur qui a évolué du début à la fin. J'aime bien le comparer au Voyager, vous voyez l'espèce de fusée que la NASA a lancée dans l'espace en, je pense, début des années 70, et qui a commencé par Terre et qui, au bout d'un long voyage solitaire, a fini en dehors de l'espace solaire, et qui est le premier objet humain à être sorti de là, à explorer des zones comme ça. Bah, métaphoriquement, c'est un peu du Beethoven tout craché, c'est-à-dire c'est un type qui a commencé chez les classiques et qui, d'œuvre en œuvre, a repoussé des limites jusqu'à commencer à faire résonner des zones de notre psychisme que personne d'autre a fait résonner avant lui, et peut-être même depuis lui. Donc c'est toujours intéressant de voir, quand on écoute une œuvre de Beethoven, où on se situe dans son évolution. Et la dixième sonate avec violon a dû être écrite quelque part, je pense, 1812 ou un truc comme ça, donc il a déjà, quoi, il a 42 ans, il est en route vers de plus en plus de... Abstraction n'est pas le mot, mais de d'intensité émotionnelle, d'intégration du discours, et on associe souvent Beethoven au grand geste révolutionnaire, à la révolte, à la musique qui se fâche un peu comme ça. Or, c'était un immense compositeur d'hymnes, et notamment à la fin de sa vie, on pense à la 9e symphonie, mais c'est peut-être l'exemple le plus grand public, mais il y a des choses dans les derniers quatuors, il y a la cavatine de l'opus 130, il y a le chant de gratitude de l'opus 132, et il y a quoi d'autre, enfin, il y a le dernier mouvement de la dernière sonate, qu'on vient d'entendre une partie. Il y a là-dedans une espèce de comment dire, de résignation lucide face à la souffrance, espèce de chant large comme ça, mais qui n'est jamais un chant rêveur. Il n'a jamais l'univers onirique d'un Schubert, il n'a jamais la grâce naturelle d'un Mozart. On a toujours l'impression de parler à un homme quand on écoute Beethoven. Et dans ce mouvement-ci, il n'est pas encore dans cette espèce de plage extatique qu'il aura à la fin de sa vie, mais on sent qu'on rentre déjà dans un champ extrêmement large, extrêmement dense comme ça, qui d'ailleurs est très difficile à jouer, mais d'ailleurs on pourrait en parler par la suite, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est atrocement dur, pour d'autres raisons que des raisons purement techniques. On l'écoute donc, vous au piano et Lorenzo Gatto au violon. Thank you. ces 5 minutes 45 de Beethoven vous sont offertes par France Culture, les chemins de la philosophie, grâce à Julien Liber qui est avec moi en studio ce matin, qui interprète cette sonate numéro 10 pour piano et violon en sol majeur que vous venez d'entendre, en compagnie de Lorenzo Gatto. Vous dites que c'est la sonate que vous avez le plus de plaisir à interpréter, pourquoi ? Ah, bah, c'est toujours dangereux de dire des choses comme ça, mais c'est vrai que ce mouvement-là, quand on fait l'intégrale, notamment quand on l'a fait en peu de temps, en trois soirées par exemple, et qu'on arrive là-dessus, on se dit « ouais, bon, ça valait le coup de faire tout ce travail ». Parce que c'est tellement, tellement beau, déjà, c'est un mot simple, mais c'est tellement beau. Et puis c'est tellement profond, c'est tellement difficile à jouer aussi, parce que ça a l'air tout calme, ça a l'air tout... Même simple. Oui, même simple, mais le problème c'est que déjà il faut arriver à se situer quelque part intérieurement pour jouer ça entre engagement et abandon. Et c'est très difficile de savoir où mettre le curseur. Parce que si on s'abandonne trop, ça se ramollit alors que c'est une musique extrêmement intense. Et si on s'investit trop, bah elle perd d'absolu quelque part. Elle devient peut-être même un peu trop individuelle et trop subjective. Et puis il y a une comment dire ? J'ai un trou. Ouais, vous parliez de votre jeu, il faut trouver la bonne distance. On parlait du simple. Oui, et puis, y a quelque part, il faut quelque part se jeter corps et âme dans ce message universel et humain. Et en même temps, on se rend compte que d'un point de vue instrumental, le moindre faux pas peut tout ruiner. Et on n'a tellement pas envie de ruiner une musique aussi sublime qu'on finit par être un tout petit peu tendu. Or, c'est une musique où il ne faut pas être tendu. Et arriver à négocier ça, ce n'est pas du tout simple. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait avant. Mm. Si on se met à trop réfléchir, on est hors propos, quelque part. Mm. Donc, c'est vraiment... Trouver la bonne distance. Oui, et c'est vraiment une façon de se situer par rapport à son instrument, par rapport à la musique, et d'essayer d'être plus un vecteur de quelque chose que quelque chose qui fait réellement. C'est très mystérieux. Hein. Et d'ailleurs, quand ça arrive, ça nous arrive. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment induire, on ne peut que le constater. Mais oui, après, c'est vrai que c'est tellement le genre de musique où le moindre faux accent, le moindre accord qui est pas tout à fait bien équilibré peut nous paraître, on est piqué au vif, quoi. Mais vous voyez, la question, l'interprétation est-elle une création qu'on se pose depuis le début de cette émission? Finalement, vous venez de répondre par la négative, parce que là, ce que vous décrivez, c'est plutôt la façon que vous avez d'être à la fois peut-être de crouler sous le poids de l'héritage de Beethoven. Il faut surtout pas faire de faux pas et en même temps il faut trouver la bonne distance. Mais non, mais parce que c'est pas le poids de Beethoven, c'est le il y a un très grand chef roumain, Sergiu Celibidache, qui a dit une fois: qu'est-ce que c'est qu'une répétition? Une répétition, c'est une succession infinie de non, pas comme ça, trop fort, trop ceci, trop cela. Non, combien de oui est-ce qu'il y a? Un. Il y a un oui. Un endroit où la musique est sur son point d'équilibre et qu'elle fait vraiment passer le message qu'elle peut passer. C'est terrifiant comme idée. Hein. Mm. Parce qu'il y a mille façons d'être à côté de la plaque, il y a une façon d'être bien. Mais cette façon-là n'est pas forcément la même pour tout le monde. J'avais un prof qui me disait une fois: il n'y a pas de interprétation objectivement juste à travers pour tout le monde, ouais. Mais il n'y a pour chaque personne qu'une façon d'être en phase avec sa propre vérité subjective. Et elle dépend de chaque personne, en fait. Oui, elle dépend de chaque personne, à chaque instant de sa vie. Tout ça est extrêmement flexible. Mais en même temps, les dates de concert ne sont pas flexibles. Vous devez jouer le 23 mars, ouais, à telle heure, dans cette salle, avec ce piano, dans cette acoustique-ci. Et allez-y, essayez. Et ça vous... C'est une des difficultés des métiers que d'essayer de transcender ça et de s'abandonner après tout le travail. Et même de travailler ça aussi un peu. De s'abandonner au moment même tel qu'il se présente et d'être... capable d'être flexible là-dedans. Mais ça implique une grande connaissance de soi, une grande attention à soi également. Oui. Au moment dans lequel vous faut se connaître extrêmement bien. Il faut se connaître extrêmement bien. Parce que ça permet à l'avance de prévoir les dangers possibles, les dangers qui peuvent être très personnels. Il y a des, ouais, gens qui sont plus susceptibles d'être dans le pétrin dans un certain sens et pas dans un autre, et d'autres l'inverse. Et puis, il faut accepter aussi qu'on n'est pas parfait quelque part. C'est l'autre côté du paradoxe. C'est que d'un côté, il faut vouloir faire en sorte que ça soit juste, mais peut-être qu'il faut accepter que ça ne peut passer que par sa propre imperfection. Est-ce que Beethoven est celui que vous préférez jouer ou pas forcément? Non, pas forcément. On préfère toujours jouer le compositeur qu'on est en train de jouer, quelque part. Parce que le... Et donc, c'est lequel en ce moment pour vous? Qu'est-ce que je joue en ce moment? Vous venez de faire paraître Bach Bartok, hein, sous la... Oui, donc c'est vrai que je nage pas mal dans Bach et Bartok, qui sont deux compositeurs qui n'ont rien à... Enfin, qui sont très différents, quoi. Des gens de cette rampe-là, c'est justement, ils sont toujours un peu sui generis, quoi. Ils sont toujours des univers pas clos, parce qu'ils sont en dialogue avec leur histoire, mais ils présentent quelque chose de très propre à eux-mêmes. Mais c'est vrai que, bon, Beethoven est un des rares compositeurs, quand on les joue en concert, on ne sort pas fatigué, au contraire, on sort plus en forme qu'en entrant quelque part. Comme une émission de radio, figurez-vous, en tout cas celle-ci. Merci beaucoup d'y avoir participé ce matin. Je rappelle que donc on peut trouver l'intégrale en 3 volumes des sonates piano, réalisé avec le violoniste Lorenzo Gatto, un disque qui est le diapason d'or de l'année en 2016. Merci encore, Julien Libert, d'être venu en parler sur France Culture. Il est 10h et presque 53 minutes. C'est l'heure du journal de la philo avec Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous rendez hommage au philosophe George Steiner. Oui, disparu hier le 3 février à l'âge de 90 ans à Cambridge, George Steiner, philosophe et critique littéraire, nous lègue une œuvre de lecteur. Sous le signe de la lecture, guidé par les mots, l'écriture et les signes, quelles sont les possibilités du langage d'une langue à l'autre, quelle richesse d'interprétation permet un texte, y a-t-il des livres illisibles ou encore quelle place faire au silence dans nos voix, sont les quelques questions qui ont ponctué sa pensée. Auteur trilingue, allemand, français, anglais, théoricien de la traduction, journaliste et critique, enseignant à Cambridge et Princeton, professeur émérite de littérature comparée à Genève, il a appris la philosophie aux côtés de Léo Strauss. Imprégné par l'œuvre de Heidegger, fasciné par les écrivains d'extrême droite tels Céline ou le poète Ezra Pound, il n'écartait aucun texte, préférant l'abus à la censure. En le relisant pour ma part certains passages de ses livres hier soir et en réécoutant ce matin plusieurs archives de lui, je crois que ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est ce qu'on appellerait une certaine ouverture d'esprit, une décontraction même. Il faut savoir quand même qu'il a présenté sa première thèse qui a été refusée sans note de bas de page ni bibliographie et on trouvait chez lui aussi beaucoup d'humour allié et c'est ça qui m'étonne pourtant à un esprit aristocratique, une défense élitiste de la lecture, un amour des classiques inquiet de la perte culturelle de notre époque. De là, Steiner m'a semblé poser ces questions essentielles auxquelles sont confrontés tous ceux qui se frottent au livre ou que devraient affronter en tout cas tout étudiant ou professeur. Comment être attaché et transmettre une tradition sans être ringard, en étant lisible? Comment voir dans un texte écrit il y a plusieurs siècles l'essence même de la vie, une puissance sans cesse actualisable? Eh bien, je crois que la réponse se trouve en partie chez George Steiner. Voici donc sa voix. Être lettré est une condition fragile. La lecture demande, et là je voudrais vraiment souligner, certaines préconditions assez spécial, on ne fait pas assez attention à ça. D'abord, elle présuppose beaucoup de silence. Le silence est devenu la chose la plus chère, la plus luxueuse au monde. Dans nos villes, qui sont des villes de 24 heures maintenant, New York vit autant la nuit, au Chicago ou Londres que le jour, le silence se rachète à prix d'or. Deuxième condition, un certain espace privé. Dans la maison, une chambre, même petite, où on peut être avec le livre, où on peut avoir ce dialogue sans que d'autres soient dans la chambre. Là, nous touchons à un thème très peu compris. La merveille de la musique, c'est qu'on puisse être plusieurs. On peut écouter en groupe, on peut écouter avec les gens qu'on aime, on peut écouter avec des amis. La musique est la langue de la participation, pas la lecture. Oui, on peut lire à haute voix, et il faudrait le faire beaucoup plus que nous le faisons. C'est un scandale, la mort de la lecture à haute voix aux enfants et entre adultes. Les grands textes du 19e sont souvent faits pour être lus à haute voix. Ça, je pourrais vous le démontrer. Il y a des pages entières de Balzac, de Hugo, de George Sand, dont la cadence, dont le rythme, dont la structure est une oralité développée, à écouter, à saisir. J'ai une chance folle, mon père me lisait à haute voix avant que je ne comprenne, c'est ça le secret, avant que je ne saisisse complètement. Donc, silence, vie privée. Troisièmement, remarque terriblement élitaire, mais le mot élite, je l'aime, c'est le mot qui veut dire que certaines choses sont meilleures que d'autres. Ça ne veut rien dire d'autre. Enfin, remarquez-le. avoir des livres, avoir une collection de livres dont on est, oui, le mot brutal, qui sont à vous, dont on est possesseur, qui ne sont pas empruntés. Pourquoi ? Parce que il faut faire des notes, il faut souligner, il faut se battre contre le texte en indiquant quelle bêtise, quelle idée. Rien de plus passionnant que les notes marginales des grands écrivains. C'est un dialogue vivant et Erasme a dit, celui qui n'a pas des livres déchirés ne les a pas lus. C'est in extremis, mais il y a une grande vérité là-dedans. Et ce sont les découvertes d'un livre qui changent la vie. L'expérience du livre est celle la plus dangereuse, la plus passionnante qui soit. Vous pouvez donc lire, chers auditeurs, de George Steiner après Babel, notamment son grand ouvrage sur la traduction paru en 1975, mais aussi les Antigones sur les multiples interprétations d'Eschyle à Anouilh, et écouter les entretiens avec Laura Adler de 2012, dont était extrait cet extrait justement pour l'émission Hors Champ, qui sont disponibles sur le site de France Culture. Merci beaucoup Géraldine. Une autre disparition concomitante, celle de David Kessler, qui était directeur de France Culture en 2005. Lorsque je suis arrivée en 2005, et je me souviens qu'il avait toujours un clown sur son bureau pour se rappeler qu'il fallait rire de chaque situation. David Kessler a été directeur de France Culture de 2005 à 2008, et aujourd'hui, c'est tout Radio France qui est en deuil. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Selle, Isis Jourda, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, Sylvain Latu, à la lecture des textes, Vincent Schmitt. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Beethoven. On sera en compagnie d'André Tuboeuf, que vous connaissez. Je crois, Julien Libert, vous connaissez ses livres, n'est-ce pas? Eh bien, il sera à notre micro demain. On ira chez lui, figurez-vous, pour enregistrer cette émission sur Beethoven, qu'il tient pour un héros nietzschéen. On en apprendra plus demain. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On attend vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.